Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le voyage à Paris et les Américains à l'école de la France, c'est le titre d'un ouvrage publié par la librairie Vuber et signé d'un célèbre historien américain. Franck Ferrand l'a retenu pour nous en parler. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai demandé à Nicole Bacharan. Nicole est notre consultante à Europe 1 pour tout ce qui regarde les États-Unis, vous le savez. Je lui ai demandé de venir évoquer avec nous cet ouvrage passionnant. Et à titre de préambule, je vais vous raconter pour ma part le dernier séjour en France du grand Benjamin Franklin. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Ludivine via le site internet d'Europe 1 sur les origines du jeu d'échecs. Ben voilà une bonne question qui appelle une réponse circonstanciée. Je ne sais pas si Monsieur Franklin jouait aux échecs. Oh, j'imagine que oui. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Quiberon le 6 décembre 1776. La nuit est en train de tomber et l'on voit arriver la frégate Reprisal qui est un petit peu plus loin, elle est restée au large. Elle doit regagner Nantes mais elle attend pour ce faire un vent favorable pour repartir. Eh bien, voilà que sur une annexe, sur une chaloupe de ce navire arrive pour débarquer celui qui est l'envoyé des 13 colonies des États-Unis, le célèbre Benjamin Franklin. Je dis célèbre parce qu'il est déjà très connu en France où il ne fait qu'effectuer à ce moment-là son troisième voyage. Franklin apparaît comme un vieil homme curieusement coiffé d'un bonnet de fourrure, nous dit Bernard Boringe. Il prend pied sur le sol breton en compagnie de deux adolescents. Et oui, parce qu'il est venu avec deux de ses petits-fils, William Temple Franklin, enfin Franklin devrais-je dire, qui a 16 ans, et Benjamin Franklin Bache qui en a 7. Il va affréter une voiture pour se rendre jusqu'à Nantes par voie de terre. Et puis de Nantes, alors ensuite, il rejoindra tranquillement Paris, où il arrive le 22 décembre 1776, autant dire l'avant-veille de Noël, dans un Paris qui, évidemment, est tout au préparatif d'une fête, à l'époque entièrement religieuse, bien entendu. On peut dire que Benjamin Franklin a pris son temps. Il a un peu traîné sur les routes, il s'est attardé. Il aime tant cette campagne française dont il a eu l'occasion souvent de vanter tous les mérites et toutes les beautés. Alors, il ne vient pas du tout de façon neutre, ce Benjamin Franklin. Il arrive dans un pays qui l'attend parce que de l'autre côté de l'Atlantique, les colonies qu'il représente sont en train de prendre leur indépendance. Vous savez que on est dans cette Amérique anglaise encore de la fin du XVIIIe siècle. Les Anglais considèrent que ces Américains qui essaient de s'autonomiser sont de véritables rebelles. Ils ont envoyé de l'autre côté de l'Atlantique des soldats pour calmer les tensions. Il faut vous dire que les colons ne veulent plus des lois de Londres. Ils ne veulent plus qu'on administre leur colonies sans leur demander leur avis et surtout, ils s'opposent à des lois commerciales et fiscales qui, décidées à Londres, ne leur conviennent plus. On est dans un moment de détachement, de véritable révolte. Et en 1776, ce mouvement patriote déclare que tout lien est désormais rompu avec la couronne. Et on sait bien que c'est Thomas Jefferson qui va rédiger un premier projet d'indépendance, projet qui sera voté le 4 juillet 1776 et dans lequel est indiqué, je cite, que « tous les êtres naissent égaux et sont dotés par leur créateur des mêmes droits inaliénables, la vie, la liberté, la recherche du bonheur ». Voilà des formules qui sont appelées à faire florès, non seulement aux États-Unis même, mais plus tard, un peu plus tard, dans toute l'Europe. C'est le début de la guerre d'indépendance des États-Unis qui va donc opposer ces 13 colonies d'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. Une guerre qui va durer de cette époque jusqu'en 1783. En 1776, au moment où a lieu cette prise d'indépendance, en France, on est sous le règne de Louis XVI, tout début du règne de Louis XVI, puisque le vieux roi Louis XV, enfin vieux, le roi Louis XV est mort en 1774, en mai 74, et donc c'est son petit-fils qui est monté sur le trône. Benjamin Franklin arrive dans un pays qui est en pleine rénovation, qui est en pleine effervescence aussi. Cette France de Louis XVI est en train de chercher des moyens de réformer notamment les finances publiques. Benjamin Franklin arrive là comme comme un monsieur âgé. Il a presque 71 ans puisqu'il est né en 1706. Il était le fils d'un commerçant qui d'abord avait été teinturier, qui s'était fait vendeur de chandelles. Lui-même avait, on le sait, été typographe. Je ne vais pas vous raconter toute la vie de Benjamin Franklin. On est dans le mythe, quasi dans la légende. Il avait été typographe avant de devenir physicien et puis sur le tard de se trouver une vocation de diplomate. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était son troisième voyage dans la France des Bourbons. En effet, Benjamin Franklin avait effectué deux premiers séjours en 1767 et en 1769. Il avait d'ailleurs été reçu à l'époque par le roi Louis XV, qui l'avait félicité pour sa grande invention, celle qui l'a rendu mondialement célèbre, l'invention du paratonnerre. Le fait que Benjamin Franklin parle très bien la langue de Molière lui avait permis évidemment de se faire beaucoup de relations à Paris et d'une manière générale dans les milieux cultivés de la France. Il avait rencontré Buffon, il avait sympathisé avec Turgot, il avait eu avec des économistes comme Mirabeau père, et Quesnay, bien entendu, le bon docteur Quesnay. Il avait eu avec eux des conversations extrêmement fécondes, extrêmement fertiles, et il avait ramené de France une très belle et bonne impression. Il était donc tout choisi, tout désigné, bien entendu, pour représenter ses colonies en quête d'indépendance auprès d'un roi Louis XVI dont elle pouvait tout à fait attendre une aide, un soutien très important. N'oubliez pas que la France, depuis longtemps, depuis 1756, est en opposition ouverte avec Londres. Nous avons perdu la guerre de 7 ans et le traité de Paris en 1763 a donné à la France de bonnes raisons de chercher une revanche. Pourquoi pas sur le continent américain ? « Je suis vieux et bon à rien », a dit Benjamin Franklin, « mais comme disent les marchands de leur fond de pièces, je ne suis qu'un coupon et vous pourrez m'avoir pour ce que vous voudrez ». Il ne se fait pas d'illusions sur son état de santé. En vérité, son état mental est parfaitement intact. Benjamin Franklin arrive à Paris le 22 décembre 1767, je vous l'ai dit, juste avant Noël. Il va s'installer dans un premier temps à Versailles. Il loge à l'auberge de la Belle Image, où il retrouve un compatriote, Silas Deane. Silas Deane est un riche commerçant du Connecticut. Faut imaginer un homme blond, jovial, un peu sanguin, qui lui aussi a été envoyé secrètement en France. Sa mission, c'est d'obtenir du secrétaire d'État aux affaires étrangères. On disait à l'époque secrétaire d'État, disons-nous aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, monsieur de Vergennes, la signature d'un traité de commerce. Le but était de fonder une société qui servirait de société écran, qui servirait de couverture, si vous voulez, pour envoyer clandestinement aux États-Unis, enfin c'est pas encore tout à fait aux États-Unis, pour envoyer dans les colonies en quête d'indépendance des bateaux pleins de matériel, pleins de combattants. Le problème de Silas Deane, c'est qu'il ne parle pas ou presque pas français, et donc il va s'appuyer sur Franklin pour lui servir non seulement d'interprète, mais disons-le, de cheval de Troie dans un certain nombre des milieux influents du royaume de France de l'époque. Franklin va vite déménager à Passy. À l'époque, Passy ne fait pas partie de Paris, c'est encore un petit village indépendant. Il y a là une source thermale où les Parisiens de la bonne société vont régulièrement en villégiature. Notre Franklin s'installe chez un financier très épris d'Amérique, il s'appelle Leray de Chaumont. Leray de Chaumont le loge dans son propre hôtel de Valentinois, d'abord dans un pavillon du parc et puis, à partir de 1779, carrément dans toute une aile de la demeure qu'il met à la disposition non seulement de Benjamin Franklin lui-même, mais de tous ceux qui l'accompagnent, qui bientôt vont constituer une petite cour qui bientôt vont constituer le premier véritable cercle américain en France. Jacques sur Europe 1, un extrait de la symphonie numéro 9, symphonie du Nouveau Monde. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au dernier séjour en France de Benjamin Franklin. Je pense qu'on ne se fait plus une idée aujourd'hui de ce qu'a pu être la popularité d'un Benjamin Franklin à l'époque de son troisième séjour à Versailles et à Paris, en tout cas juste à côté de Paris, à Passy. Toutes les dames un peu chics le veulent à leur table, bien entendu. Il est le point de mire des salons. Il se rend chez Madame du Deffand. Vous imaginez qu'en 1776, Madame du Deffand commence à être vraiment une vieille dame, mais elle fait partie de toutes celles qui, avec Madame Helvétius, Madame Doudetot, de Tessé, de Coigny, etc., se battent pour recevoir le maître, comme on l'appelle. Madame Doudetot, notamment, est subjuguée par le savant. Elle lui écrit des lettres enflammées. Il m'est doux de penser à vous et de rendre hommage à vos vertus, à vos lumières et à tout ce qui vous rend respectable et cher à l'humanité, écrit-elle. C'est là, vous le savez, mon genre de dévotion et vous êtes un de mes saints. Alors bon, il faut faire la part, bien entendu, de l'extrême épanchement d'un XVIIIe siècle qui n'hésite jamais à manifester beaucoup d'affection et à exprimer ses sentiments et ses émotions, mais tout de même, c'est vrai que toutes ces dames ont pour Benjamin Franklin une forme de dévotion. Il est un peu le grand prêtre d'une nouvelle religion. Une nouvelle religion qui pourrait ressembler entre nous un peu à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier que Benjamin Franklin est affilié à la célèbre loge maçonnique des Neuf Sœurs. Son attachement à la franc-maçonnerie n'est pas nouveau. Dès 1749, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, il avait été élu grand maître de la grande loge de Pennsylvanie. Mais la loge des Neuf Sœurs à Paris, c'est quelque chose de très particulier. C'est un véritable bouillon de culture, c'est un creuset. C'est, selon Jean Le Say, une véritable académie parallèle. Une académie qui comprend des membres aussi célèbres que Bailly, Lacépède, Chamfort, Houdon, Aigreux et Piccinni, et même Voltaire en personne, bien entendu. Donc, voyez qu'il sait presque d'instinct, et parce qu'il a une sorte de cinquième sens pour trouver les bonnes influences et les bons milieux, Franklin a compris que cette loge lui permettrait d'être très influent dans cette société française. Il faut vous dire que le gouvernement français est très intéressé par ce qu'il a à dire. Franklin, d'ailleurs, a été reçu très vite par Monsieur de Vergennes, dès le 28 décembre. Il était arrivé à Paris le 22. Le 28, il est déjà dans le cabinet du ministre à Versailles. On peut pas dire que Benjamin Franklin passe un temps fou à Versailles. Par goût et par principe, il n'aime pas tellement ce milieu de la cour. Il ne s'y sent pas tellement à l'aise. Autant il est bien, autant il est comme chez lui dans certains salons de la capitale, à Paris, autant ce mode de vie versaillais l'inquiète un peu. Il sait bien que les grandes décisions in fine, en dernier ressort, sont prises chez le roi et chez les ministres à Versailles. Mais il sait surtout qu'elles sont longuement préparées ailleurs et qu'elles sont préparées essentiellement à Paris. Paris où il va très vite se prendre de bec avec l'ambassadeur de sa gracieuse majesté, bien entendu, puisque lui représente les colonies qui sont opposées à l'Angleterre. Vous imaginez bien que l'ambassadeur d'Angleterre, qui s'appelle Lord Stormont, ne va pas se laisser faire. Lord Stormont est très dur avec Benjamin Franklin. Il essaie d'ailleurs de le faire passer pour une sorte de semi-criminel, il faut bien le dire, et il combat à chaque fois qu'il le peut cette popularité de Franklin dans les salons. Lord Stormont sait très bien le rôle à Paris de ce qu'on appelle les épigrammes. Vous savez, ce sont ces petits poèmes sur des personnes qu'on écrit avec le plus de méchanceté possible. Et voilà celui qu'il va faire circuler très vite à propos de Benjamin Franklin. Sur l'Amérique consternée, plaçant le bout d'un conducteur, de l'autre à l'Europe étonnée, il lance le feu destructeur. Caméléon octogénaire, son esprit se ploie aisément. De la France et de l'Angleterre, ce fourbe rit également, dit-il. Évidemment, Franklin ne prend ça qu'à la légère, ça le fait plutôt sourire. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Mais alors, que pensez-vous de ce que dit de vous l'ambassadeur d'Angleterre? Est-ce que ce sont des vérités qu'il émet ?»« Des vérités, non » répond-il. « Ce sont des stormons !» Et ça, c'est une très bonne idée, une idée de publicitaire avant la lettre, puisque le terme même de stormons, le terme de stormontade va faire à Paris, Florès va se répandre comme une traînée de poudre, et bientôt, on ne dira plus des mensonges ou des contre-vérités, on dira simplement, on parlera plus de rodomontade, on parlera de stormontade. On peut dire que de ce point de vue, Benjamin Franklin a gagné la première manche, le premier match contre ce diplomate anglais, contre Lord Stormont. En décembre 1777, un envoyé du Congrès de Boston va arriver auprès de Benjamin Franklin. Il lui annonce notamment que le général Burgoyne et son armée sont prisonniers de guerre. Les Anglais ont capitulé à Saratoga. Les affaires des Américains, enfin de ces nouveaux indépendants américains, on les appelle les insurgents à l'époque, vont bien et vont même de mieux en mieux. Franklin tente à ce moment-là de convaincre le roi de France, toujours avec l'appui de Vergennes. Le ministre déclare « ou maintenant ou jamais, il faut y aller ». Alors, il va falloir quelques jours et Vergennes annonce à Franklin que Sa Majesté, donc le roi Louis XVI, je cite, « a résolu de reconnaître l'indépendance des États-Unis et de faire avec eux un traité de commerce et d'alliance ». Ça, c'est le début des grandes négociations. On va voir se mettre en place deux projets de traité, un traité de paix qui garantit l'indépendance des États-Unis, et puis un traité qui, lui, est totalement secret et qui prévoit une alliance militaire dès lors que la France aura rompu avec l'Angleterre. Vous voyez que derrière sa bonhomie et derrière son apparente tranquillité, monsieur de Franklin, alors là c'est vraiment lui faire injure car il n'est pas aristocrate pour deux sous, monsieur Franklin ne perd pas son temps. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au dernier séjour en France de Benjamin Franklin. Le traité franco-américain d'amitié et de commerce est donc signé le 8 février 1778, place Louis XV, dans ce qui deviendra nettement plus tard la place de la Concorde, à l'hôtel de Coislin. C'est un succès diplomatique extraordinaire pour la délégation des États-Unis, de l'Amérique d'une façon générale, et très particulièrement pour Benjamin Franklin. Le 20 mars, Franklin est invité, cette fois officiellement, au château de Versailles pour une cérémonie organisée en son honneur et en celle des compatriotes qui l'ont rejoint. Pour se rendre présentable, Benjamin Franklin veut se coiffer d'une perruque. Il se dit, ce serait quand même bien, lui qui se promène toujours chauve. Vous savez, il faut voir à quoi il ressemble. Hein. Ce visage un peu replet, un peu rougeau, toujours les petits bécicles, le crâne complètement dégarni. Il porte toujours un habit de toile brune, des boucles sans souliers, des souliers sans boucles plutôt. Donc vraiment, on lui donnerait deux sous à Benjamin Franklin. Mais ça fait partie de sa popularité, ça fait partie de l'image qu'il veut donner, je pense. Sa physionomie est reproduite partout, jusque sur les tasses et sur les assiettes. Il est reconnu dans la rue. Les parents veulent quasiment qu'il bénisse leurs enfants. C'est un homme très populaire. Alors il essaie de mettre une perruque pour aller voir le roi quand même, ce serait mieux. Seulement, le perruquier affirme que la tête de Benjamin Franklin est beaucoup trop grande, on ne trouvera jamais une perruque pour le coiffer. Eh bien, tant pis, il se présentera à Versailles sans perruque. Quand même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit sur son passage à Versailles tous les courtisans se presser. Vous savez qu'à l'époque, en 1778, Versailles est un peu moins à la mode qu'il a pu l'être dans le passé. C'en est fini de la grande cour de Louis XV, évidemment. Là, on va plutôt à Versailles par devoir et les courtisans ne sont pas si nombreux à se presser sur le passage du roi et de la reine. Une reine Marie-Antoinette qui, généralement d'ailleurs, les ignore et les méprise plutôt. Et là, exception, il y a foule à Versailles. Les dames sont en grande tenue, les messieurs ont mis leurs plus beaux atours, ils retirent leurs chapeaux quand passe Monsieur Franklin. C'est vous dire l'incroyable popularité de cet homme qui confie avoir eu beaucoup d'émotions au moment où le major des 100 Suisses s'est avancé et a annoncé devant Sa Majesté les ambassadeurs des 13 provinces unies. Et donc le roi Louis XVI les reçoit, on n'en finit pas avec les honneurs, parce qu'après avoir été reçu par le roi, on est reçu, c'est comme ça à Versailles, hein, c'est tout à fait naturel, on est reçu par la reine, puis par le comte de Provence, qui est le frère aîné du roi, puis par Madame Élisabeth, sa petite sœur, etc. Et de retour à Paris, comme s'il n'était pas déjà suffisamment comblé, Benjamin Franklin apprend que c'est Voltaire en personne qui souhaite le recevoir. Et oui, car Voltaire se trouve en voyage à Paris à cette époque-là, figurez-vous, c'est très rare. Voltaire s'est beaucoup, et depuis longtemps, depuis presque 30 ans, méfié du pouvoir royal. Il vit là-bas, près de la frontière genevoise, à Ferney. Mais à ce moment-là, il est chez ses amis Villette à Paris. Et donc, il demande à voir Benjamin Franklin. On dit superbe union de tout ce qu'il y avait de plus grand sur Terre. L'esprit le plus hardi, Voltaire, avec l'esprit le plus sage, Franklin, sous l'égide des deux plus grands principes, Dieu et la liberté. Il faudra attendre tout de même encore 5 ans pour que soit signée l'indépendance américaine. Ce sera le traité du 3 septembre 1783 qu'on appelle le traité de Paris, même s'il est physiquement signé à Versailles, à l'hôtel Berthier. En tout cas, ça n'est pas encore tout à fait la fin de la mission de Benjamin Franklin. Il quittera le territoire français, il ne repartira pour ce qui est désormais, alors là je peux enfin employer l'expression les États-Unis, qu'en juillet 1785, Louis XVI met à sa disposition une litière pour se rendre jusqu'au Havre, et puis ensuite, eh bien, évidemment, il traversera l'Atlantique pour redevenir tranquillement, un peu à la manière de Cincinnatus, vous savez, il a fait sa mission, il est content, maintenant il rentre chez lui, il va reprendre la tête de l'État de Pennsylvanie pour 3 ans, et il participera évidemment au premier chef à la rédaction de la Constitution américaine. Benjamin Franklin ne mourra que plus tard, le 17 avril 1790. On apprendra sa mort en France qu'un petit peu plus tard, évidemment, il faut le temps que la nouvelle parvienne, hein. À l'époque c'est un peu long. La nouvelle n'arrive en France qu'à la mi-mai 1790. On apprend que Benjamin Franklin est mort, et je vous assure que ça a été à l'époque une très grande émotion, une émotion qui a submergé Paris et dans une certaine mesure qui a submergé la France. Au café Procope, dont il était habitué, l'avocat Lafitte va prononcer un discours. On va également créer un mausolée provisoire aux 9 sœurs, hein, à la loge maçonnique. Le frère Michaud, au cours d'une tenue de deuil, exaltera la figure du très regretté vénérable, le frère législateur du Nouveau Monde, et on fera son éloge en vers, un éloge qui se vendra par toutes les provinces. On verra une manifestation des imprimeurs de Paris le 14 août 1790, qui est un hommage à Franklin, tiré pendant la cérémonie et donné comme ça aux passants. Ce qui fait que pendant très longtemps et jusqu'au tournant même du XXe siècle, on pouvait dans certaines familles de France trouver encore un peu jauni sous un sous vert, comme on faisait, vous savez, cette belle déclaration, ce beau manifeste qui voulait ad vitam aeternam et au-delà même de son existence, qui voulait prolonger la vie de Monsieur Franklin et qui voulait constamment lui rendre hommage. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Alors ce n'est pas de Franklin que nous allons parler ensemble, c'est de ses enfants ou petits-enfants si je puis dire, c'est-à-dire de tous ces Américains qui par la suite sont venus sur ses traces s'installer à Paris. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe, un extrait de la bande originale du film Lincoln, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 2013. Vous nous parlez cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, du séjour parisien des élites américaines au début du 19e siècle, avec votre invité Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1 pour les États-Unis, auteur de Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche, aux éditions Tempus. Et oui, j'ai entre les mains ce bel ouvrage de David McCullough qui s'appelle Le voyage à Paris, les Américains à l'école de la France, 1830-1900. Il est très célèbre de l'autre côté de l'Atlantique, ce David McCullough. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est un nom qui se prête à différentes prononciations. Il est très très célèbre. C'est un peu l'historien de l'Amérique. C'est le Alain Decaux des États-Unis. Oui, peut-être le Franck Ferrand. Parce que c'est un conteur. Vraiment, c'est un conteur, c'est un historien totalement indépendant qui n'appartient à aucune université, aucune chapelle, ce qui lui a valu d'ailleurs une certaine méfiance d'historien, disons, plus académique. Mais il les a tous coiffés sur le poteau, ou même bien avant, puisque c'est un monsieur vénérable, hein, il a 80 ans cette année. Il a écrit de nombreux ouvrages, notamment des grandes biographies de présidents comme Truman ou John Adams. Et puis, depuis une quinzaine d'années, il commente, il raconte au fond des grands documentaires historiques sur l'histoire des États-Unis. C'est devenu un peu une sorte de grand-père de l'Amérique. The Voice of America. Voilà. Alors, c'est assez étonnant qu'un monsieur aussi médiatique, si je puis dire, prenne le temps de s'intéresser à la toute petite colonie française, américaine plutôt, de Paris. Ces Américains qui sont venus s'installer dans la capitale de la France entre, disons, la monarchie de Juillet et la fin de la Belle Époque, entre 1830 et 1900. C'est un sujet de niche, quasiment. Oui, et en même temps, c'était une sorte de manifeste politique de la part de David McCullough. Il a entrepris cet ouvrage qui est consistant, hein, qui a représenté beaucoup de travail. Pavé, voilà, c'est un beau pavé. Très bien écrit, hein, très agréable, très vivant. Ah oui, vraiment. Écrit avec... Voilà, il raconte l'histoire de personne. Hein. C'est pas une thèse sèche et purement académique. Non, il y a vraiment des gens qui vivent dans ces pages. Eh bien, il a entrepris ce travail pendant la présidence de George Bush. C'était une sorte de protestation contre certains slogans et certains relents anti-français. McCullough aime beaucoup la France et il a voulu rendre hommage, au fond, à tout ce que la France avait apporté à la construction de la nation américaine à travers tous ces jeunes Américains, enfin jeunes pour la plupart, étudiants, écrivains, médecins, architectes, peintres, etc., qui sont venus se former à Paris, qui ont aimé Paris et qui ont ramené leur savoir-faire, leur science et leur amour de la France. Alors, aussi. Alors, il faut fermer cette parenthèse Benjamin Franklin que j'ai ouverte tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai parlé de Franklin, il aurait fallu parler de Jefferson et d'Adams également, de tous ces ambassadeurs de ces colonies insurgées américaines qui venaient chercher le soutien du roi de France et qui, sans forcément peut-être en être conscient ou le savoir, ont développé et favorisé en France un certain courant d'idées qui devait conduire d'ailleurs à la Révolution française. Il y a une interpénétration de l'histoire des deux pays étonnante. Il y a des amitiés aussi entre Jefferson et Lafayette, par exemple, étaient très amis. Pendant les journées de 1789, ils se voyaient tous les jours. Et Jefferson a participé de manière discrète, il était ambassadeur, mais a participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ce qu'il y a de plus fascinant peut-être, c'est que à l'époque, nous parlions de diplomates, de gens qui étaient missionnés par le gouvernement ou gouvernement provisoire de ces colonies et qui avaient une mission à accomplir. Ceux dont nous parle David McCullough, ce sont des gens qui viennent de leur propre chef, si je puis dire. Ils ne sont pas en mission à Paris. Ah, complètement. Ils ne sont envoyés par personne. Ils sont très souvent jeunes, encore dans leurs années de formation. Quelquefois, ce sont des fils de famille qui écrivent des lettres, d'ailleurs, où ils rendent compte à leur père qui finance toute cette aventure, de tout ce qui se passe, de comment ils vivent. Ils sont très discrets sur leur vie amoureuse, hein, parce que voilà, ce sont des lettres. C'est quand même déjà puritain, les États-Unis. Destinées à la famille. Mais ils ne représentent pas leur pays. Et ils sont assez courageux parce que, bon, ils viennent évidemment en voilier. C'est une traversée qui est très longue, qui peut être dangereuse. Mais c'est quelque chose qu'on n'imagine plus vraiment aujourd'hui. C'est vraiment le grand départ. Une lettre, mais un mois et demi, deux mois à parvenir de l'autre côté. D'ici qu'on ait une réponse à ce qu'on a écrit, ça fait bien 4 mois. On change de saison complètement. Avec les calèches et les diligences qui sont là entre-temps, on part vraiment. Et donc, ce sont des expériences en même temps profondément françaises pour ces jeunes Américains. Ils n'ont pas le choix que de vraiment s'intégrer. On va venir, bien entendu, aux différents cas. On va évoquer un certain nombre de ces jeunes Américains qui vivaient à Paris au 19e siècle. Mais la grande question qui se pose avant ça, c'est de savoir et de comprendre pourquoi ils choisissaient la France. Qu'est-ce qui faisait qu'ils venaient particulièrement à Paris et pas ailleurs ? Quelle que soit leur spécialité, ils avaient tous une vision commune, c'était que Paris était indispensable à leur volonté d'atteindre l'excellence. Voilà. Il n'y avait pas d'excellence dans leur domaine sans ces années parisiennes. Ou au moins, c'est comme c'est ça qu'ils le voyaient. C'est un peu leur grand tour à eux, d'une certaine manière. Exactement. Ça fait penser, on a connu en France, au XVIe, surtout XVIIe et XVIIIe siècle, le grand tour qui consistait à aller à Rome, et puis d'une façon générale en Italie pour se former. Eh bien là, on a l'impression que ces jeunes Américains, ils viennent à Paris pour se former aussi, et pour être au contact de tout le passé, de tous les grands, de tous les classiques, en quelque sorte. Exactement. Et ils s'imprègnent déjà de plusieurs choses. Alors, si leur domaine est par exemple la médecine, moi c'est quelque chose, j'avoue, que j'ignorais, que j'ai découvert dans ce livre, c'est que Paris 1830-1840, c'est une des grandes capitales mondiales de la médecine. Oui. Et donc, les jeunes étudiants américains peuvent faire, par exemple, des dissections à tour de bras, parce qu'à Paris, on n'est pas très regardant sur la disponibilité des corps, alors qu'aux États-Unis, ce sont des corps d'esclaves, et puis les corps de prisonniers morts en prison, mais enfin, c'est très difficile. Ils peuvent soigner des femmes aussi, alors qu'aux États-Unis, beaucoup de dames meurent encore privées de soins parce que jamais elles ne consulteraient un médecin. Elles accepteraient qu'un médecin ne les voit nus. Absolument, oui. La question ne se pose pas. Donc déjà, là, ils apprennent énormément. Et ils s'imprègnent aussi d'un point de vue sur la vie. Disons, on sait profiter de la vie, profiter de la promenade, profiter évidemment de la gastronomie, du vin, mais des arts. L'art considéré comme indispensable à la vie, finalement, dans une Amérique où on travaille très très dur, où on construit un pays, etc., mais c'était secondaire. Et là, ils vont vraiment ramener cette idée de l'art, de la peinture, de l'architecture comme indispensable à une vie accomplie. Pour nous, ils vont le ramener chez eux. C'est assez amusant de voir avec le recul la différence, l'inversion quasiment des polarités, puisque pour ces jeunes Américains à l'époque, ils partent de la campagne et vont vers la ville, si je puis dire. De même que nous trouvons en rentrant de New York que évidemment Paris fait un petit peu province, eh bien eux, c'est l'inverse. Quand ils viennent de New York et qu'ils arrivent à Paris, ils trouvent la ville gigantesque en vérité. Immense, il y a quatre fois plus d'habitants à l'époque à Paris qu'à New York. New York est une ville, certes, déjà très active et dynamique, mais c'est encore une petite ville. Paris, c'est une capitale, ça n'a rien à voir. Oui. Alors évidemment, la Révolution et l'Empire n'ont pas favorisé ce genre d'échange, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a d'ailleurs, c'est pas le sujet du tout de David McCullough, mais il y a des Américains à Paris pendant l'Empire, par exemple. Mais enfin, c'est pas le sujet. Ça va se développer surtout à partir du moment où la France se libéralise. On est à la fin de la Restauration, ce qu'on va appeler la deuxième Restauration, celle de la Monarchie de Juillet avec Louis Philippe, qui lui-même, d'ailleurs, ce roi Louis-Philippe Ier, a été un citoyen, enfin pas un citoyen, mais il a résidé aux États-Unis, il connaît très bien les États-Unis, et donc s'établit peut-être un lien plus facile. Et puis, pour les Américains, évidemment, le régime libéral, commerçant, ouvert, pas tout à fait démocratique, ce serait excessif, mais disons, en tout cas, libéral de la Monarchie de Juillet est tout à fait favorable et très propice aux échanges. Oui, c'est vrai que les Américains, pendant cette longue période, puisqu'il va jusqu'en 1900, les Américains de Paris ont toujours le cœur du côté, disons, si ce n'est des républicains, mais quand il n'y a pas de républicains, au moins d'un bon monarque assez libéral. Et c'est vrai que l'histoire de Louis-Philippe est assez amusante. Il a passé pas mal de temps aux États-Unis pendant la Terreur, qu'il était assez peu bienvenu en France. Et père, d'ailleurs, le prince Philippe Égalité, a été guillotiné. Oui, exactement. Il y avait des raisons de se méfier. Donc Louis-Philippe, il a été serveur de restaurant, il a descendu le Mississippi, il a beaucoup fréquenté les Indiens. Et quand à Paris vient une troupe d'Indiens, celle de Catlin, qui était... George Catlin, voilà, qui avait à la fois peint 500 toiles, en gros, de portraits d'Indiens, puis qui a réalisé que ce musée ambulant, il aurait beaucoup plus de succès et de caractère avec une troupe d'Indiens, avec tout l'attirail de plumes et de peintures, etc., qui ont un succès fou à Paris. Eh bien, Louis-Philippe va les voir. Il parle très bien anglais, mais ça ne suffit pas. Il faut un interprète pour traduire en langue d'Indien Iowa. Il s'entend très bien avec eux. Il donne une médaille d'or au grand chef Nuage Blanc, et il a quand même l'impression de retrouver sa jeunesse. Et les Indiens sont très étonnés, au fond, d'être accueillis par quelqu'un qui les connaît, qui les comprend et qui les apprécie. Donc des étudiants, des intellectuels, disons, des artistes, vous nous parlez d'un peintre, et puis bien sûr, et ça va être essentiel, des écrivains, nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du séjour des Parisiens, des élites américaines au début du 19e siècle, avec votre invité, Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1 pour les États-Unis. On découvre bien des choses dans cet ouvrage de David McCullough, dans ce voyage à Paris, et notamment, moi j'ai appris, parce que je vous avoue que je n'en savais rien du tout, que Emerson, Mark Twain, James Fenimore Cooper, tous ces gens-là ont vécu à Paris, c'est incroyable. Oui, ils sont tous passés par Paris et pour la même raison, Paris c'est vraiment une grande capitale pour un jeune pays qui ne se sent pas encore, disons, de la même force, de la même envergure. James Fenimore Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans, c'est probablement l'écrivain américain le plus populaire de toute cette période. Et en fait, il est presque aussi populaire que Benjamin Franklin, dont vous parliez à l'instant. Ce Dernier des Mohicans, c'est un succès en France et Cooper s'installe en France. Lui, oui. Il s'installe durablement, il y élève ses enfants, il y écrit une dizaine de romans. D'ailleurs, son histoire, Le Dernier des Mohicans, est une histoire qui met en scène la France du Nouveau Monde. Absolument. On est complètement dedans, bien entendu. Et c'est vrai que les écrivains de la génération suivante, comme Henry James ou Mark Twain ou Emerson, ils passent tous par Paris. Certains plus critiques que d'autres. Mark Twain, il se moquait un petit peu de nous, mais enfin bon. Alors, évidemment, ils ont une idole. Tant que cette idole est encore en vie, ce sera dans un premier temps le général de Lafayette. Parce qu'il va vivre vieux, Lafayette, faut pas l'oublier. Il est un des acteurs de la Révolution de 1830, par exemple. Il va vivre bien vieux. Et les Américains, les premiers de ceux dont nous parlons, vont le voir comme une sorte de pèlerinage. Le vétéran. Et il fête avec lui le 4 juillet, donc la fête de l'indépendance américaine, chez Monsieur de Lafayette qui les invite. Il y a toujours des discours qui mettent en valeur le rôle essentiel que Lafayette a joué. Ça, c'est très intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'on voit les liens aussi entre cette petite république intellectuelle des Américains de France et puis les intellectuels français eux-mêmes, à commencer par le plus grand d'entre eux, celui qui, sous la Deuxième République, a exercé quelques responsabilités gouvernementales, très éphémères, il est vrai, celui qui, à mon avis, je crois, a le mieux écrit sur les États-Unis avec cet ouvrage, je l'ai dit souvent, mais je le répète parce que c'est un monument de la démocratie en Amérique, c'est Alexis de Tocqueville, qui a des liens, bien entendu, avec eux aussi. Ah, complètement, il a plein d'amis. Et c'est vrai que Tocqueville est un personnage franco-américain, totalement, extrêmement étonnant. Quand il part en Amérique, il n'a que 25 ans. Et quand on lit aujourd'hui de la démocratie en Amérique, on se dit, mais il avait tout compris d'un pays dont au début il ne savait absolument rien. Alors il a été effectivement ministre des Affaires étrangères de la Seconde République, ça a été très très bref, puisque tout cela s'est terminé par le Second Empire, mais il est resté très proche de ses amis américains et puis très proche de tous ceux qu'on appelait les libéraux. Un personnage qu'on retrouve dans le film Lincoln et qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans ses pages, c'est Sumner. Oui, c'est très important. Charles Sumner. Voilà, et c'est très attachant. Parce que Charles Sumner, on avait parlé de lui autour de l'histoire de Lincoln, puisqu'il faisait vraiment partie de ces abolitionnistes passionnés qui tourmentaient Lincoln tous les jours en lui disant « il faut émanciper les esclaves ». Et en fait, il est venu jeune à Paris, tout au début de la décennie 1830. Un espèce de colosse, Sumner, un bon 1,90 m. Il dépasse tout le monde et donc il observe. Et il suit des cours partout, et notamment à la Sorbonne. Et il voit parmi les étudiants en lettres ou en médecine ou autres, des étudiants noirs, habillés comme des dandies, visiblement très brillants pour la plupart d'entre eux, tout à fait respectés et auxquels on ne prête pas attention. Et ça bouleverse sa vision du monde. Parce que lui, il n'avait vu que rarement des esclaves aux États-Unis, c'est un homme du Nord, et il les avait vus travailler dans les champs, et il s'était dit c'est comme des animaux, il n'y a aucune intelligence, enfin, et il voit que ça là, d'un seul que coup, c'est il découvre, totalement faux. Les dandies intellectuels, ça Exactement. Change tout. Exactement, et ça fait de lui cet abolitionniste passionné qui a payé très cher cet engagement, puisqu'il a été roué de coups dans l'enceinte même du Sénat, et il ne s'en est jamais vraiment remis, il a été très abîmé physiquement. Et chaque fois que vraiment ses douleurs, ses migraines, ses douleurs du dos, etc., lui devenaient insupportables, ses médecins lui disaient « retournez à Paris ». Et le voyage, et la proximité de la France, et déjà il se sentait mieux. Alors, certains vont se former, vous nous avez parlé de ces étudiants, notamment en médecine. Certains se forment auprès de grands artistes. Il y a beaucoup de peintres, on a oublié cette dimension-là, mais on n'imagine plus combien dans les années encore 1870, 1880, etc. Il y avait énormément de peintres qui venaient s'installer en France en général, et beaucoup à Paris, bien entendu, pour se former. Il y a des sculpteurs aussi, enfin, etc. Tout c'est un... vrai que la colonie américaine de ces jeunes artistes, elle grandit très très vite, à partir notamment du bateau à vapeur. Ça a son importance, c'est que bon, dans les années 1845, 1850, c'est le bateau à vapeur. Les voyages durent environ 2 semaines, ça n'a plus rien à voir. Et là, pas que des aventuriers, beaucoup de familles fortunées élèvent leurs enfants en Europe. Donc vous avez notamment, je pense à des peintres comme Mary Cassatt ou John Sengert, qui sont totalement polyglottes, un peu des honnêtes hommes et femmes de ce temps-là. Cassatt, elle est très influencée par les impressionnistes. C'est vraiment un peintre remarquable. Elle fait partie d'une grande colonie. Il y a des centaines et des centaines d'étudiants américains à l'Académie Julian. Notamment, mais il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui viennent, des collectionneurs avertis qui ramèneront tant de tableaux impressionnistes pour les grandes collections américaines. Alors, évidemment, si les Français se précipitent sur ce livre, Le Voyage à Paris, c'est parce qu'on y trouve aussi des descriptions de la France elle-même totalement inattendues. C'est qu'un certain nombre de ces Américains installés à Paris servent de témoins d'une certaine manière, et notamment de témoins d'événements sur lesquels on dispose d'un nombre assez limité de récits. C'est, je pense, à la Commune de Paris. Cette époque incroyable, il vient d'y avoir la guerre contre la Prusse, les Prussiens assiègent Paris, il y a ce siège, et puis au moment où les Prussiens vont quitter Paris, eh bien, les Parisiens s'insurgent, c'est la Commune de Paris. Il n'y a quasiment plus d'intellectuels français dans Paris même, en dehors de ceux qui participent activement à ce régime insurrectionnel. Mais il y a quelques Américains qui sont là et qui sont fidèles au poste, en quelque sorte. Et il y a un unique ambassadeur étranger qui reste dans Paris. Et c'est l'ambassadeur justement l'ambassadeur américain. Qui dit, moi, je ne partirai pas, je dois aider mes compatriotes, etc. Je dois informer. Il reste à Paris. Il vit le siège de Paris après la défaite de Sedan. Un siège extrêmement dur, hein, puisque au bout de quelques mois, c'est vraiment la famine. On trouve plus ni chevaux, ni chiens, ni chats, ni rats dans tout Paris. Il vit cela comme les Parisiens. La Commune de Paris, qui lui inspire, il faut le dire, une sainte terreur. Il trouve ça absolument abominable. Effroyable, oui. Avec tout le côté règlement de compte, anti-religieux, anti-art et anti-intellectuel. Mais la réaction versaillaise le glace tout autant. Hein, cette fameuse semaine sanglante qui a fait un nombre de morts incalculables. Il raconte tout cela. Beaucoup d'exécutions sommaires, absolument. Etc. Il raconte tout avec une espèce de détachement très précis. En fait. C'est très étonnant. Il y a à la fois les dépêches qu'il rédige pour son gouvernement et puis son journal intime où on retrouve tout cela avec cette volonté de toute manière de ne pas partir. Et ce que je trouve, moi, très frappant, c'est qu'au terme vraiment d'affrontements abominables, de déchaînements dans un sens et dans l'autre vraiment terrifiants, très vite, Paris se reconstruit et les Américains reviennent. Oui. Ils sont vraiment toujours un peu fidèles au poste d'une certaine manière. Mais finalement, oui. Et la France créa l'Amérique, dit le bandeau de ce livre, un tout petit peu cocorico un sur les bords. Mais en même temps, c'est pas entièrement faux quand on lit l'ouvrage. C'est-à-dire que on peut dire que tous ces jeunes Américains étaient venus se mettre à l'époque à l'école de la France, comme beaucoup de nos jeunes Français aujourd'hui se sont mis à l'école de l'Amérique, du reste. Oui, bien sûr. Mais par exemple, les grandes statues commémoratives de la guerre de sécession d'Auguste Saint-Gaudens, qui malgré son nom est américain, un fils d'un immigré français, qui lui, alors pour le coup, Auguste Saint-Gaudens est arrivé sans un sou à Paris, chargé de faire fortune rapidement pour épouser l'élu de son cœur que la belle famille refusait. Mais les grandes statues des généraux, notamment de la guerre de sécession, le premier grand monument en hommage aux soldats de couleur, comme on disait alors, de la guerre de sécession, tout cela, ça a été Saint-Gaudens absolument formé en France et qui est revenu maintes fois travailler en France. Et on se rend compte qu'entre Lafayette et Rochambeau d'un côté, et puis Pershing et plus tard Eisenhower, bien entendu, il y a eu toute cette chaîne d'échanges. Ça n'était pas à sens unique, mais il y avait donc cette énorme colonie colonie américaine de Paris, qui a joué un rôle très important, non seulement pour l'épanouissement des arts et d'une certaine pensée de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi pour donner à nos ancêtres français à réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde. Je pense que c'était très intelligent de la part de David McAuliffe de le montrer. Ce livre s'appelle donc « Le voyage à Paris », sous-titré « Les Américains à l'école de la France de 1830 à 1900 » et c'est édité à la librairie Vuibert. Merci beaucoup Nicole Bacharan d'être venue nous parler de l'ouvrage de cet historien américain. Je rappelle que vous êtes, vous, l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont « Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche ». C'est édité dans la collection de poche des éditions Perrin, c'est-à-dire chez Tempus. Merci encore. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Lunivine, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine du jeu d'échecs. On a dit tellement de choses sur l'origine des échecs. Vous savez qu'il y a énormément de mythes et de légendes à ce sujet. On raconte sur essentiellement que 3000 ans avant notre ère, un roi indien, totalement légendaire entre nous, qui s'appelait Belkib, s'ennuyait fermement. Il avait lancé un concours d'invention pour se distraire précisément. Il avait promis une récompense très importante, comme pouvait le faire un roi des Indes, vous imaginez, à celui qui proposerait une vraie distraction. Eh bien, c'est un brahman du nom de Sissa qui aurait emporté le concours en présentant ce jeu d'échecs. Alors la première trace avérée d'un ancêtre du jeu d'échecs en vérité ne remonte pas au 3e millénaire avant notre ère, ça ne remonte qu'au 5e de notre siècle avec le jeu qu'on appelle le jeu du Chaturanga qui, c'est vrai, est d'origine indienne, donc qui se joue sur un plateau de 64 cases déjà avec des pièces qui représentent les différentes composantes d'une armée indienne. Le roi, le ministre, le char, l'éléphant, le cavalier, le fantassin en première ligne, ça bien entendu. Ce jeu va se répandre petit à petit, hein, comme une traînée de poudre. D'abord, il passe en Perse au 6e siècle. Au 7e siècle, on le retrouve chez les Arabes, qui au moment où ils envahissent l'Empire perse, l'Empire sassanide, ils vont renommer les pièces. Le roi devient le calife, le ministre devient le vizir, etc. Dans cet empire arabe, le jeu devient de plus en plus populaire et l'on a des joueurs qui deviennent des joueurs professionnels au tournant du 10e siècle. Alors on dit, est-ce vrai que c'est Charlemagne qui aimait les échecs et qui les a introduits en Occident? En tout cas, c'est un peu à cette époque que le jeu s'occidentalise, surtout un peu plus tard quand même, au 10e, 11e siècle, à un point tel que au 12e, 13e siècle, le jeu devient très populaire, que les gens y passent beaucoup de temps et que Saint-Louis va finir par faire interdire les échecs dans sa fameuse grande ordonnance pour la réforme du royaume en 1254. Il estime qu'on passe trop de temps aux échecs. Depuis, le jeu n'a cessé de se répandre, notamment en Europe de l'Est, en Europe du Nord, vous le savez. Au XXe siècle, il prendra une dimension tout à fait politique. Vous savez que les échecs sont devenus un véritable outil de propagande pendant la guerre froide. C'est l'Union soviétique, notamment, qui avait des champions qui étaient censés répandre partout dans le monde sa réputation d'intelligence. Des champions comme Botvinnik, comme Spassky, et puis bien entendu, les célèbres, indétrônables, incontournables Karpov et Kasparov.